donné, j'ai tout donné. Sans abandonner, j'ai bien galéré. Voir me pleurer, un jour la vie elle m'a dit go. J'ai avancé, tel un escargot. C'est pas pour cela que je n'ai pas su faire le plus haut. Ce n'est pas pour cela que je n'ai pas su avancer. Pas pour cela que je n'ai pas su faire le plus haut. Et j'ai avancé, et j'ai avancé. J'ai eu ma claque de prendre des claques. J'ai pris mes claques. J'ai eu assez d'être cassé et puis classé dans la. Et puis bosser afin d'être rare. Et maintenant je peux.